Bon, je tente une coordination, Julien, Oui. et puis ça nous laissera le temps de voir. Donc en coordination, tu vas voir le mari, Natacha, les neuf gardes, c'est-à-dire que je les compte dans un bloc. Ça va. Les neuf gardes et puis comment les deux Amazones et puis le colonel Bout. Alors ils sont à prendre les deux Amazones et le colonel ils sont à part quoi. Chacun à part quoi. Ah ok bah écoute Laurie nous laisse donc de toute façon on va faire le débriefing. D'accord. On va faire le débriefing. Bah tout d'abord merci à vous deux. Enfin Laurie ne peut pas entendre ce que je dis mais merci quand même à vous. J'étais très content de pouvoir tester. Ça n'a pas été facile à chaque moment mais bon au moins j'ai pu constater qu'on a pu jouer quoi. C'était vraiment le crash test, c'est savoir si on était capable de faire une partie qui est une fiction, qui est quelque chose qui se passe, qu'on sente une résistance aussi. Donc bon, là, je pense que c'est bon. Après, je t'écoute, Julien, pour feu roulant de remarques. Ok. Alors la résistance, on l'a effectivement très bien senti. Alors, par où commencer? D'abord, sur la partie elle-même, je dirais que effectivement, on a pu mettre en place une histoire. Moi, j'ai bien senti la situation, la scène. Finalement, on a assez peu de description du lieu, mais il m'est quand même apparu par les éléments d'ambiance commun et par les éléments que tu donnes sur les PNJ, etc. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Il y a Je me rends compte, si, pour te paraphraser, Oui. que dans ma position de MJ, j'ai le sentiment que le jeu m'amène surtout à faire des descriptions du moment qu'elles sont tactiques, porteuses d'informations tactiques. C'est Et ça. que du coup, tout ce qui n'est pas porteur d'informations tactiques, j'ai tendance à le passer sous silence. Tout à fait. Ok. En nous précisant quand même Alors, un peu en Laurie tout nous cas. entend, mais il peut pas parler apparemment. Non, vous m'entendez ou pas? Oui, on Ah là, on t'entend. t'entend, ouais. Ça y est, ça marche. Ah Ah bah, c'est du magnifique. coup, est-ce qu'on est des fous, on fait l'attaque de la redoute quand même? Partant. Allez, hop, c'est parti. Bon, Laurie, c'est toi le coordinateur, du coup. Exactement. T'as, comment, à coordonner, tu dois coordonner le mari, Natacha. Tu dois coordonner les neuf gardes, en fait, qui sont un groupe en eux-mêmes. Le colonel Bout de Feu. Les neuf, ils agissent en même temps. Ouais, tout à fait. Sinon, il y a le colonel Bout de Feu et ses deux Amazones. Alors, il y a une Amazone qui s'appelle Charybde et l'autre, elle s'appelle Scylla. Les gardes, ils sont pas en cochon encore? Ah bah non. Ah parce que vous avez pas donné le feu vert, donc ils ont pas transformé en cochon. Qui est-ce qui les transforme en cochon? C'est Natacha. Ah, d'accord. Du coup, si tu la fais, hein, quand tu la feras agir à la fin de son tour, ils seront transformés en cochon, c'est pas un problème. Ok, ça marche. Alors, neuf gardes. Karib et Scylla, ils agissent en même temps? Non, ils sont séparés. Le mari, Natacha, Ouais. Et colonel Bout de Feu. Youn et moi. Alors, Natacha. Le mari, neuf gardes, en cause avec Youn ou pas? Pardon? Tu as une idée de ce que tu vas faire, toi, ou pas? Moi, je suis un peu le mouvement, monter dans la redoute et essayer de dérober l'or, qui est probablement gardé par le colonel et ses filles. Donc, plus précis que ça, j'ai pas d'idée pour Ça l'instant. marche. Caribe, Kila, le colonel. Saint-Jean et Youm. Y a tout le monde? Ok. Oui, moi j'ai tout le monde. Bon, bah du coup, on, alors, tout, tout, tout, tout. Je pense que là, on va le gérer. Ouais, on le gère. C'est un temps de placement. Enfin, ça te va, Laurie? Temps de placement? Ouais. Ok. Temps de placement, je vous rappelle que vous vous déplacez d'une marelle, ça va vous coûter. Non, justement, je cherche. Je crois que c'est de la clave. Ah, j'ai l'impression que c'est à se déplacer en temps de repos. Ah non, c'est de la force. Ok, donc je vous rappelle, en fait, il y a le comment, il y a le poste de garde où ils sont à table, ils sont autour de bras zéro, tout ça tranquillement quoi. Vous êtes sur le marché juste à côté quoi. Ouais, hop, tac, on a créé une marelle. Donc ça fait 1, 4. Je suis en train de claquer des points. 60, 7. Et de ce que vous voyez, grosso modo, la redoute est en elle-même. Il y a donc t'as le rez-de-chaussée, puis t'as enfin le rez-de-chaussée, puis il y a 3 étages au-dessus, quoi. Du coup, Laurie, rappelle-moi qui agit en premier. Ah oui, non, suis-moi. Ça va peut-être influer sur ce que tu voulais faire. Ouais, non, bah tant pis, tant pis, tant pis, j'avais qu'à mieux me gérer. Puisque j'ai dit que c'était un groupe, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, bah Natacha, en fait, Natacha les attire. Elle leur, en fait, elle dit comment elle commence à à leur faire goûter, puis elle dit, bah faites venir vos copains et tout. Ah oui, donc du coup, il y a les 3 autres qui descendent. Donc ils sont 9 et donc elle leur fait bouffer la tambouille. Oui, t'avais assez de jus hein, pour Neuf, 9 ah personnes ouais, hein, c'était c'était bon. neuf, ouais. Ouais, ok, bah du coup ils commencent à Ah oui, mais attends. En fait, elle est Tu avais dit que ça se gérait comme une attaque. Oui, c'est fa... Oui, mais en fait, elle les attire comme une attaque, effectivement, oui. Ouais, tout à fait. Elle les attire à l'étage numéro 1, parce qu'en fait, elle se dit que s'ils se ressemblent en cochon au vu de tout le monde, même au milieu de la nuit, c'est pas top. Donc elle dit, ah bah attendez, pendant que vous restaurez, je vais vous faire une danse, quoi, mais j'ai pas envie que tous les clodos du coin voient ça. Donc elle les entraîne à l'étage. Tac. Et puis donc là, effectivement, faut que tu fasses ton attaque. Donc c'est une attaque de Constite donc à 13 contre leur égrégore et qui leur bouffe leur emprise. Alors, donc, besoin de Égrégore et emprise. Ok. Je vais claquer. Ah, il faut que j'économise quand même. Ah putain, là, j'ai plus beaucoup de points. Ok. Du coup, pour attaquer, est-ce que tu attaques avec ton score brut ou tu veux viser les dés Non, non, le score brut, c'est très bien. Ok. Voilà. Oui, de toute façon, vu ce que je t'ai dit, tu Voilà. pouvais savoir que ça allait passer. Ok, bah écoute, tac, ils perdent combien en emprise? Bah 13 du coup. Puisque Ouais, c'est ton score de constit, ouais. Bah écoute, en fait, assez rapidement, vous commencez à entendre des grognements de cochons. Donc, il semblerait que ça ait marché. Et du coup, ce qu'elle fait, elle fait des autres trucs, mais vous savez pas quoi, parce que vous la voyez pas. Ok. C'est autour du mari. Non, c'est autour de qui là? c'est Mario. Ok. Le mari, il était sur le marché, il passe en poste de garde, il monte au premier étage. Clac, et en fait, alors ça fait 1, 2, 3, et là il n'y a plus de mouvement, donc de toute façon il a fini. Du coup, c'est fini pour le mari. Regarde. Bah écoute, voilà, ils ont fini. Caribou. Charybde de 1, 58. Il a fini. Il a Fini. colonel. C'est bon. À moi. Donc, je suis dans le marché. Oui, t'es dans le marché, ouais. Vais rentrer, je vais monter. Tu veux monter jusqu'au premier étage? Je peux, si j'ai bien suivi, effectivement, je peux arriver quelque part. Oui, ça te coûte 3 de force. Hein. Je peux rien faire d'autre? Si, tu. Alors déjà, je vais dire ce que tu vois. En fait, au premier étage, il y a 9 cochons. Et en fait, il y a. Comment elle s'appelle Natacha, elle a commencé à en saigner. Elle en a égorgé 3 avec son couteau. Notre brave. Le mari, il est là, mais. T'es folle, qu'est-ce que t'as fait? C'était pas dans le plan. Et en fait, il la chope par le poignet et il veut la forcer à redescendre, quoi. À se barrer d'ici. Et en fait, alerté par le cri des cochons, il y a Scylla qui est descendue. C'est une black avec des cheveux tressés avec en fait des doigts coupés en fait qui sont tressés dans ses cheveux. Et elle a un œil de verre et elle est équipée d'un FAMAS. Je lui lance un couteau, elle. Elle est où? Ouais, Elle est où, tu quoi? peux. Elle est au corps à corps là. Ah oui. L'attaquer, alors. Ouais, tout à fait, ouais. Donc tu vas attaquer ici là? Oui. Et c'est là où Karib qui est là? C'est ici là. D'accord. Oui, je vais attaquer celui-là. Alors, putain, je suis dans la merde. Bah écoute, c'est parti. Alors, j'attaque avec la Dex, c'est ça? T'attaques avec quoi? Okay. Ton couteau de lancer, ouais, c'est Dex. Contre quoi? Ah tiens, 2 secondes. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas trop bien géré les attaques. Alors, attaque. Attaque de base. Arme de corps à corps. Arme distance et Dex force. Ah oui, c'est sa force. Ah putain, quel emmerdeur, tu m'as obligé à créer une force. Je pensais que tu attaquerais au corps à corps. Ok. Donc tu lui lances ton couteau. Donc, contre sa force, Ouais. et je vise sa constite, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu peux claquer un point de clairvoyance pour savoir Ouais, tout à sa fait, ouais. force? Tu veux peut-être savoir aussi ça. Tu veux savoir que sa force et son et du coup son objectif en plus? Force et sa constite, ouais. Sa force, sa concite. Bah en fait, elle a 10 en concite, 10 en force. Ok. Et son objectif, c'est tuer tous ceux qui. Enfin, c'est tuer tout le monde, quoi. Ah, attends. Objectif tuer, bah du coup. Putain. Je suis obligé de dépenser un point pour son putain d'objectif. Ok. Non, bah non, du coup, son objectif, c'est faire prisonnier. Quoi? Je veux pas dépenser. Son objectif, c'est vous faire prisonnier, en D'accord. fait. Elle va vous faire tomber en vulnérabilité, puis quand vous serez en vulnérabilité, elle vous fera prisonnier. Ben, je lui lance le couteau. T'y vas en score brut. Oui. Et du coup, t'arrives à tu passes à la défense. Oui. Et Et elle perd combien de constites? elle perd 12 de constitution. Ok, donc tu la elle tac, elle se prend le couteau dans le cou, elle tombe en vulnérabilité. Oui. Alors attends, je vais te dire ce que tu peux lui faire. Sachant qu'il me semble en vulnérabilité. Vulnérabilité. Tu peux la mutiler, l'assommer ou la tuer. Là-dessus, ce sera fait. Ok, donc tu la butes. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives sur elle et puis tu lui donnes le coup de grâce, quoi. Oui, voilà. Si tu veux récupérer ton couteau, c'est un point de clin. Il a tué, ça me dit quelque chose? Alors, je sais plus. Pff, ouais, ça me paraît assez logique, hein, c'est une action. Hein. Donc, du coup, ouais, ce serait un point de dex. Allez, un point de Dex. Et je récupère mon couteau. Ouais, donc un point de clin pour récupérer le couteau. Je vois pas Carib. Tu vois, pas Karim. Ça marche, c'est fini. Là, ce que tu vois où t'es, comme c'est. Comment? Tu sais, c'est des escaliers, donc en fait, il y a pas mal de. Enfin, c'est des escaliers. Tu vois le deuxième message. C'est juste un escalier en colimaçon. Et tu vois le dernier étage, tu vois les cloches. Et tu vois là, comment il y a le colonel bout de feu qui est penché au-dessus de l'escalier et qui tient son FAMAS. Ah ouais, quand même. Qui fait. Putain d'enculé! Colonel bout de feu, donc c'est une grosse baraque, le crâne rasé, enfin il fait bien militaire, tu sais, le visage ultra carré. Je vais lui lancer mon deuxième coup. Écoute, tu peux t'apporter tir court? Y a trois emportés. Ouais, c'est bon. Et bien, clairvoyance pour la même chose. Alors attends, c'est un point de dex pour relancer ton couteau, hein. Ouais, on n'a pas vu. Ok, donc tu pourras pas lancer un deuxième couteau. Avant, tu veux la clairvoyance pour avoir ses stats? Oui. Ouais, bah écoute. Ah, mais attends, si je veux qu'il tire. Contexte. Un instant, hein. Ah bah il tirera pas, hein, je te le dis pas. Je... Pourquoi? Ah, je te remercie de l'info. Attends, pourquoi je... Non, c'est pas C'était possible. Pourquoi j'ai encore un point de Dex? J'ai tiré. t'as tiré, t'as donné un coup de grâce. C'est tout ce que t'as fait, hein. Parce que pour te déplacer, c'était les points de force. Donc Mon couteau. récupérer. Non, non, il te reste un point de dex. Donc tu peux effectivement tirer. Il y a juste aucun problème. Ok. Récupérer le couteau, c'était pas un point de Dex? Non, c'était un point de clin. D'accord. Donc c'est bon, les comptes sont bons. Ouais. Alors attends. Je vérifie. Arme à distance. Ah oui, c'est force compte. 30, force constite. Bah, je vais pas m'emmerder. Hein. Écoute, il est à 10 et 10. Ok. Et son objectif, c'est vous faire prisonnier. Donc du coup, tu arrives à passer sa force, je suppose. Il l'amène en vulnérabilité. Mais le petit problème, c'est que lui, il est trop lent pour toi. Tu peux pas l'atteindre. Donc tu peux pas lui donner le. Ah, quoique, bah si, tu pourrais lui donner le coup de grâce, mais il faudrait lancer un deuxième couteau. Et donc là, sauf que t'es à sec de points de dex. Donc tu peux pas lui donner le coup de Il est en grâce. vulnérabilité, c'est tout ce que je veux dire. Pardon? Il est en vulnérabilité. Il est en vulnérabilité. Donc là, en fait, considère qu'il est à terre, quoi. Oui, bah, t'inquiète. J'ai fini mon tour. Et ça veut aussi dire... Ok, c'est autour de qui? C'est à moi. Ça roule. Ben, je vais gravir 4 à 4 les marches pour arriver donc au même endroit qu'eux. Ce qui devrait Ouais. coûter 3 points de force, Ouais, si j'ai bien tout à compris. fait. Voilà. Du coup, c'est compliqué. Qu'est-ce que je Il y a vois? le mari à gérer. J'ai le mari à gérer qui tient la tête de Natacha, c'est ça? Non, il tient son poignet, en fait, il l'attire pour descendre en bas. Ah, bah alors, est-ce que je me sens obligé de la protéger ou est-ce que le fait qu'il descende avec elle me paraît plutôt une bonne idée? Ouais, visiblement, il la met, d'une façon, il la met à l'abri. C'est juste que vous perdez des alliés, quoi. Ils sont en train de rompre le combat, hein, c'est ça le truc. Oui, mais bon, comme je veux la protéger, ça m'arrange. Ouais, bah ouais. Donc si tu C'est laisses faire, ça te coûte rien, quoi. l'option, voilà, c'est l'option économique de Ouais, laisser ouais, faire. ouais. Hein? Donc, je pense que je vais laisser faire du coup. Est-ce que j'aperçois le colonel au sol? Bah, tout à fait, ouais. Alors, quand il est en vulnérabilité comme ça, est-ce qu'il faut quand même que je passe sa défense? Ou est-ce que je peux l'achever moi? Tu peux l'achever toi. Ben, je vais l'achever moi En en fait, il dépensant faut un faire point ça avant que ce soit d'ex. son. Ouais, mais du coup, t'as une arme de distance? J'ai mon gros hachoir de lancer de portée 3. Ah bah ça tombe vraiment un point nommé. Et donc je l'achève d'un hachoir planté en plein milieu du front, ou en tout cas ce que j'arrive à. Ok, donc ça te coûte un point de dex. Ouais. Non, hachoir c'est lourd, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est lourd, oui. Donc le lourd c'est du con, je crois. Hein. Je sais plus. Non, Ah, c'est c'est une force, attaque c'est de. force. Eh ben tu peux pas. Je sais pas. Tu peux pas. Il est de Je portée comprends 3, plus oui. rien. Parce qu'en fait, ça te coûte des points de force de déplacer. Oui. Et ça te coûte des points de force de lancer ton arme lourde. Ah, c'est Donc, des points de force. D'accord, ouais, ok, mais j'avais pas si, en compris fait, ça. tu peux le faire, mais du coup, tu serais resté au rez-de-chaussée, en fait. Bah, si du rez-de-chaussée je l'aperçois, je le fais, voilà. Ouais, bah, tu peux, quoi. D'accord, alors je fais ça. Alors, clairement, c'est un coup que seul un des grogneurs comme vous pourra arriver à faire, quoi, parce que, mais effectivement, depuis le rez-de-chaussée, tu lui lances ton hachoir, et donc, du coup, il se le prend en pleine mouille, quoi, et c'est bon, son compte est réglé. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux essayer de me mettre un peu à l'abri parce que j'ai vu qu'il avait son flingue. Je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait que. Enfin, je suppose que je sais qu'il reste Caribde. Donc, Ouais. me mettre à couvert sur le côté pour pas me faire tirer dessus. Je sais pas ce que. Ouais, bah écoute. Dans la même pièce, en fait, Alors, t'es mais. au rez-de-chaussée, hein. Ouais. T'es au rez-de-chaussée, bah tu peux, en fait, tu trouves, tu vas claquer un point de dégrégore. Parce que Voilà, tu c'est ce crées que un j'avais couvert dit. que j'ai pas décrit. Et donc, du coup, en fait, il y a une espèce de, il y a un confessionnal. Non, il y a un fond baptismal. Ok. Et donc tu peux te planquer dessous, c'est un quoi, c'est ça fait un bon Eh couvert ben, je quoi. me planque dessous. C'est-à-dire que lui, il faudrait qu'il défonce d'abord le fond baptismal avant de pouvoir t'atteindre quoi. Voilà, sachant que je fais 2,20 m, tout ça, mais bon, Oui, ça mais c'est arrive. un gros fond baptismal quoi. Ok, très bien. Ben voilà, je vois pas ce que je. Ouais, ok, ça roule. Il reste qui là? Si je vais faire autre chose. Alors, utiliser ma potion de Dex, c'est un point de Dex. Ouais. Donc, je dépense un point de Dex, je passe à 4-3 et je regagne 4 points. Donc, ça fait Ok. 4-4, 5-3, c'est ça? Oui. Attends, t'étais à 4-4 là? J'étais à 4-4. Ah non, tu passes à 5-4 du coup. Mais ça coûte un point de Dex de le faire, Ah oui, de c'est l'avoir. vrai, ouais. Effectivement. D'où l'inutilité totale des potions de 1 point, enfin d'une case. Bah, faut que ce soit sur autre chose, quoi. Mais Dex pour Dex, ça sert à rien. Quelqu'un devrait. Ok. Ok, ça marche. Ben voilà. Impeccable. Du coup, Loris, à qui? Fini. Loris. C'est fini. C'est fini là. Ah oui, Charybde est là. Oui, elle a agi, ok. D'accord. Du coup, nouveau tour. C'est toi qui as fini, donc c'est toi le coordinateur. Ouais. Alors on va dire. Ouais, Bah, de toute façon, il reste Charybde. j'allais Et dire. puis sinon, enfin les gardes. Oui, si les gardes. Il y a les gardes, il y a Charybde, le mari et puis Natacha. J'allais dire le mari Natacha, Saint-Jean, les gardes, Charybde et moi. Ok. Je me place en dernier. Ouais. Donc, on passe en. C'est du temps de combat. Hein. Enfin, on remarque ce qu'on a fait avant, c'était aussi du temps de combat quelque part. Quoique, non. Non, ça reste du temps de placement. Ouais, non, temps de combat. Temps de combat. Ok. Donc, du coup, notre brave Marie, eh ben, il attire. Comment il entraîne. Comment elle s'appelle, Natacha, vers le marché, quoi. Du coup, il dégage tous les deux, quoi. Ah bah non, du coup, s'il veut faire ça, c'est une action groupée. Du coup, il retarde son tour jusqu'à celui de Natacha. Ok. Du coup, c'est à On qui? attache ça. Bon, bah, du coup, ils se barrent tous les deux au marché. Elle est d'accord? Ah oui, non, elle est pas du tout d'accord. Ah ouais, super. Eh ben, elle fait lâche-moi, connard. Quoique. Non, non, autant pour moi. Et ouais, elle fait ça. Et puis, tu sais, lui, déjà, il lève la main pour la baffer, quoi. Et puis, elle fait. Non, non, non, ok, c'est bon, je descends. Et puis, elle fait Yom, je te fais confiance. Ok. Et puis, du coup, il se barre. C'est ensuite à Saint-Jean. Saint-Jean, on Ok. t'écoute. On va tester. Je vais me rendre invisible. Ok, donc super, super, super. Bah écoute, vas-y, claque ce qu'il faut claquer, quoi. Un point de clou. Et Et t'as pas des composantes à cramer j'ouvre mon. Je sors un petit flacon qui, a priori, est vide. Et je gobe, dès que je l'ouvre, ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, en fait, ça peut pas marcher du coup, Laurie. Ok. En fait, t'as le temps de boire que le premier flacon. Dans le sens où t'as pas le temps de tout boire. Il y a trop de volume, en fait, tu te rends compte? C'est un peu. Parce que j'ai expliqué que si tu ne décrivais pas ta composante J'avais. avant qu'elle soit utile, tu l'as déjà décrite ta Ah, composante? d'accord. Tu l'as jamais décrite par le Non, passé, en mais fait. sur ma feuille déjà. Moi, elle est pas vide. Ah oui, mais c'est pas une description. Ah oui. Ah oui, tu l'as déjà écrite sur ta feuille. C'était quand c'était pas écrit sur la feuille. Ouais, ok, non, ok, très bien. Effectivement, si tu l'avais déjà écrite, ça marche aussi. C'est un ok. En fait, dedans, Très bien. un papillon qu'on ne voit pas à cause de ses phéromones. Et donc, je l'avale et je sécrète les mêmes phéromones que lui et je deviens invisible. Pendant tout le reste du combat, t'es invisible. Okay. Ça veut dire que pour te trouver, ils doivent claquer des points d'égrégore, quoi. Et je monte. Je suis au premier, je monte au deuxième. T'es au premier. Je monte. Je vais monter doucement, hein. J'ai évité de faire du bruit quand même. Parce que. Ok. Je cherche Karim. Alors en fait, quand tu montes, tu montes au deuxième étage. Oui. Écoute, tu cherches Charybde. Et ben en fait, elle est plan en. Il y a. Tu te rends compte qu'il y a une espèce de meurtrière. Et il y a une planche qui est mise devant. Et en fait, Charybde, qui doit être assez petite, elle s'est planquée en fait à l'intérieur de la meurtrière. Elle est toute recroquevillée avec son famas, et tu la vois à travers un défaut de la planche. Tu payes un point de clat pour ça. Okay. Et tu vois la pauvre nana, si tu veux, elle retenait son souffle à mort, quoi. Bah, je vais la contourner et puis Il n'y a pas de problème, tu peux passer sans problème. je vais Donc tu l'as. Ah oui, ok, tu. Alors, tu peux pas la contourner, hein, du coup, parce que en fait, elle est planquée dans une meurtrière. Donc, tu sais, c'est un espace en presque en cône qui donne sur l'extérieur, quoi. Donc, c'est tu peux attaquer à travers la planche, enlever la planche et l'attaquer, mais tu peux pas la contourner, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, putain, il faut que je crée une marelle. Ouais, non, il n'y a pas de marelle pour si. Bah ouais, vu comment je décris, en plus, putain, je vais te payer une marelle, quoi. Tu me fais chier. à toi. L'espace pour lancer un couteau là-dedans? Ah bah oui, bien sûr, oui. Eh ben, je lance. Tu lances à travers la planche, tu peux la tuer à travers la planche, hein, c'est pas un problème. Quel étage? Bout de feu, Ouais. il est au troisième et dernier étage. D'accord. Donc à un étage au-dessus. Je lance mon couteau, Carib, je vais l'appeler aussi. Ok, du coup elle perd combien? Alors attends, tu vas en comment tu fais en score brut? Ouais, j'y vais en score brut et je fais pas clair, oui. Il est gueule. Tu fais pas clairvoyance, tu vas comme ça cache quoi. Alors, rappelle-moi avec quoi t'attaques? C'est avec la Dex pour passer sa force. T'as combien en Dex? Oui. Eh ben écoute, ça passe, et donc du coup elle perd 12, elle tombe en vulnérabilité. Et donc, enfin, force, je vais pousser la planche. Ouais. Je vais l'achever. Ok, bah écoute, tu me claques un point de Dex pour l'achever, quoi. Ça Et un marche. point Un point de cla pour récupérer ton couteau. de force. Je vais récupérer mon couteau. Et je vais monter au troisième étage. Alors, oui, donc tu as déjà claqué un point de force pour monter au deuxième. Tu claques un deuxième point de force pour arriver au troisième. Donc là, il y a bout de feu qui est dans une mare de sang. Et derrière, il y a son coffre avec le fric, quoi. J'ai ouvert le coffre, enfin. Ouais, enfin, le coffre, enfin, il est comment? Il faut juste claquer un point de force pour le défoncer. Et ben, je défonce, on va tout de suite. Ok, donc dedans, Ouais, je comprends plus tard. combien il avait demandé le vieux? Il avait demandé 5 cases, hein, c'est ça, hein. Oui. Dedans, il y a l'équivalent de, ouais, c'est pas mal. Il y a 20 cases, ceux de sous-feu de caps en fait. Marche. Alors, partant de là, je propose qu'on arrête là, en fait. Très bien. Bon, on sait que Yom devant, il y aurait l'histoire de partager le magot, tout ça pourrait nous occuper longtemps. Mais bon, là, en tout cas, vous avez les adversaires, vous les avez éradiqués. Donc, sachant que là, on passerait direct en temps de repos et vous gagneriez tous un point, un score de mémoire, parce que là, j'ai claqué tous mes points d'adversité. Donc on gagne, moi je gagnerai les 2 points de mémoire de la mission. Oui, Les deux scores. deux scores de mémoire. Plus 1 point de mémoire. Ouais, donc trois scores de mémoire pour toi. Bah, note-le à la rigueur. 3 scores. Donc. Ouais. Et puis Yom, t'en gagnes un. Ouais. Et Laurie, tu effaces la mission, quoi.